Premier livre de Samuel, chapitre 23. Or on avait fait ce rapport à David, en disant, « Voilà, les Philistins font la guerre à Keïla, et puis les airs. » Et David consultait l'Éternel en disant, « Irai-je, et frapperai-je ces Philistins-là ? » Et l'Éternel répondit à David, « Va, et tu frapperas les Philistins, et tu délivreras Keïla. » Et les gens de David lui dirent, « Voici, nous étant ici en Juda avons peur. Que sera-ce donc quand nous serons allés à Keïla contre les troupes rangées des Philistins ?» C'est pourquoi David consulta encore l'Éternel, et l'Éternel lui répondit, et dit, « Lève-toi, descends à Keïla, car je m'en vais livrer les Philistins entre tes mains. » Alors David s'en alla avec ses gens à Keïla, et combattit contre les Philistins, et emmena leur bétail, et fit un grand carnage des Philistins, ainsi David délivra les habitants de Keïla. Or il était arrivé que quand Abiathar fils d'Ahimélec s'était enfui vers David à Keïla, les faux lui étaient tombés entre les mains. Et on rapporta à Saül que David était venu à Keïla, et Saül dit, « Dieu l'a livré entre mes mains, car il s'est enfermé en entrant dans une ville qui a déporté des barres. » Et Saül assembla à cri public, tout le peuple pour aller à la guerre, et descendre à Keïla, afin d'assiéger David et ses gens. Mais David ayant su que Saül lui machinait ce mal, dit au sacrificateur Abiathar, « Mais les faux. » Puis David dit, « Ô Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur a appris comme une chose certaine, que Saül cherche d'entrer dans Keïla, pour détruire la ville à cause de moi. Les seigneurs de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il, comme ton serviteur l'a ouï dire? Ô Éternel, Dieu d'Israël, je te prie, enseigne-la ton serviteur. » Et l'Éternel répondit, il descendra. David dit encore, les seigneurs de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül? Et l'Éternel répondit, ils t'y livreront. Alors David se leva, et environ 600 hommes avec lui, et ils sortirent de Keïla, et s'en allèrent où ils purent. Et on rapporta à Saül que David s'était sauvé de Keïla, c'est pourquoi il cessa de marcher. Et David demeura au désert dans des lieux forts, et il se tint en une montagne au désert de Ziph. Et Saül le cherchait tous les jours, mais Dieu ne le livra point entre ses mains. David donc ayant vu que Saül était sorti pour chercher sa vie, se tint au désert de Ziph en la forêt. Alors Jonathan fils de Saül se leva, et s'en alla en la forêt vers David, et fortifia ses mains en Dieu. Et lui dit, « Ne crains point, car Saül mon père ne t'attrapera point, mais tu régneras sur Israël, et moi je serai le second après toi, et même Saül mon père le sait bien. » Ils traitèrent donc eux deux alliances devant l'Éternel, et David demeura dans la forêt, mais Jonathan retourna en sa maison. Or les Ziphiens montèrent vers Saül à Guiba, et lui dirent, David ne se tient-il pas caché parmi nous, dans des lieux forts, dans la forêt, au coteau d'Aquila, qui est à main droite de Jésimon? Maintenant donc, ô roi, si tu souhaites de descendre, descends, et ce sera à nous à le livrer entre les mains du roi. » Et Saül dit, « Béni soyez-vous de par l'Éternel, de ce que vous avez eu pitié de moi. Allez donc, je vous prie, et préparez toutes choses, et sachez, et reconnaissez le lieu, où il fait sa retraite, et qu'il aura vu là, car on m'a dit, qu'il est fort rusé. Reconnaissez donc et sachez dans laquelle de toutes ses retraites il se tient caché, puis retournez vers moi quand vous en serez assuré, et j'irai avec vous, et s'il est au pays, je le chercherai soigneusement, parmi tous les milliers de Juda. » Ils se levèrent donc et s'en allèrent à Ziph devant Saül, mais David et ses gens étaient au désert de Maon, en la campagne, à main droite de Jésimon. Ainsi Saül et ses gens s'en allèrent le chercher, et on le rapporta à David, et il descendit dans la roche, et demeura au désert de Maon, ce que Saül ayant appris, il poursuivit David au désert de Maon. Et Saül allait de deçà le côté de la montagne, et David et ses gens allaient de là, à l'autre côté de la montagne, et David se hâtait autant qu'il pouvait de s'en aller de devant Saül, mais Saül et ses gens environnèrent David et ses gens pour les prendre. Sur cela un messager vint à Saül, en disant, « Hâte-toi, et viens, car les Philistins se sont jetés sur le pays. » Ainsi Saül s'en retourna de la poursuite de David, et s'en alla au devant des Philistins, c'est pourquoi on a appelé ce lieu la Sélah Malocot.